Savez-vous planter Windows à la mode, à la mode? Savez-vous planter Windows à la mode de Bill Gates? Do you know to crash Windows at the fashion of the fashion? Do you know to crash Windows at the fashion of Bill Gates? J'ai pris Windows Millennium à la mode, j'ai pris Windows Millennium et je l'ai gonflé à l'hélium. Mais il a pas tenu le coup à la mode, mais il a pas tenu le coup parce qu'il était bien trop mou. Alors j'ai pris Windows XP à la mode, alors j'ai pris Windows XP et tout le système a planté. Savez-vous planter Windows à la mode, savez-vous planter Windows à la mode de Bill Gates? No to crash Windows at the fashion of the fashion. Do you know to crash Windows at the fashion of Bill Gates? Hey! J'ai repris Windows 3.1 à la mode, j'ai repris Windows 3.1 parce qu'il était vraiment bien. Mais il était obsolète, à la mode, mais il était obsolète, il fallait un truc qui pète. Alors j'ai pris MS-DOS, à la mode, alors j'ai pris MS-DOS, mais ça c'était pour les boss. Savez-vous planter Windows, à la mode, savez-vous planter Windows, à la mode de Bill Gates? Do you know to crash Windows, at the fashion of the fashion? Do you know to crash Windows, at the fashion of Bill Gates? Hey! J'ai acheté une Xbox à la mode, j'ai acheté une Xbox au lieu de m'acheter Norton. En effet, il y avait la dose à la mode, en effet, il y avait la dose. Mais il y avait même plus Windows. Savez-vous planter Windows à la mode, savez-vous planter Windows à la mode de Bill Gates? La la la la la la la, ça a planté, la la la la la la la, tout le système a planté. Hey! Oh, fais chier.